nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes avec Anne et Henri pour Entarbrezonek. Comme d'habitude, on commence par Gary Warvué. On est rendu à l'émission 416. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un verbe qui me plaît bien, qui est luskelat. Luskelat qui veut dire bercer. C'est très joli, ça évoque l'enfance. Voilà. Et donc, c'est un mot... Alors là, il y a une racine de base qui est lusk. Alors rien que pour ça, alors on en avait déjà parlé, je pense, mais rien que pour ça, il faudrait en parler plus longuement parce que ça a donné beaucoup de dérivés. Lusque, c'est le rythme, hein, l'élan, hein, bon voilà, et ça a donné des dérivés très nombreux. Alors l'un de ces dérivés, c'est luskel, hein, luskel qui est un mot féminin qui veut dire le balancement, luskel. Alors ça a donné le verbe luskelat, hein, qui est bercer, par exemple bercer un enfant, mais ça peut être employé dans d'autres sens aussi, hein, tout ce qui est un balancement. Par exemple, le participe passé, c'est luskelat, hein, luskelat, puisque la base verbale, c'est luskel, donc participe passé luskelat. Un jour, j'avais conduit ma grand-mère et une voisine au pardon de Bulat dans ma deux chevaux, j'étais jeune à l'époque, et au retour, ma grand-mère me dit « Lusquet, la dent de bébé, on a été bien bercés en tout cas. » Parce qu'elles n'étaient pas habituées à des voitures ayant une suspension aussi souple que la deux chevaux. Donc voilà, donc lusquet, la dent, c'est par exemple quand on est dans une voiture et qu'on est bercé. Il y a toujours cette idée de mouvement, de rythme, d'impulsion qui vient de la racine lusque. Alors, on trouve ça dans beaucoup de chansons quand on évoque l'enfance, hein. Et c'est toujours dit de façon assez émouvante. Par exemple, il y avait une chanson sur la demande en mariage. Bonjour bonne femme Rayo Mertine, t'as peut-être entendu ça déjà. Et le prétendant donc qui vient demander la main d'une jeune fille dit Mieille de Parc de Labourado, Mieille de Parc de Labourado, Mieille de Parc de Labourado, Ichon Baudière de Lusquelat. Donc j'irai au champ travailler et elle restera à la maison pour bercer l'enfant. Et il ajoute après à de domoyou tenin bien et pour chauffer la bouillie pour le petit, quoi. Voilà, c'était tous les prétendants comme ça ont toujours un programme très tendre. Après, des fois, ça se gâte, mais enfin, voilà. Il y avait aussi une chanson Luskel Vabag, hein, qui est une chanson sur un air écossais, je crois. Donc, Luskel Vabag, Liwarib, Lundour, hein, très très connu, hein, cette chanson-là. Peut-être passé un peu de mode. On la chantait dans les mariages autrefois. Mais ce sera sûrement repris par les nouveaux chanteurs un jour ou l'autre, peut-être sur un rythme un peu différent. Ils ont tendance à swinguer plus. Voilà. Luskel Vabag. Donc, berce ma barque. Hein. Luskel Vabag. Alors, bien sûr, en général, en dehors du bateau, ce qu'on berce, c'est le berceau. Le berceau. Alors, le berceau, Zier Havel, hein. Et là aussi, c'est tout un symbole, hein. Luskelat ar Havel, hein, bercer le berceau. En français, ça fait un peu redondant, oui. Voilà. Alors, il y a d'autres dérivés comme Luskeladen. Luskeladen, c'est le balancement. C'est un mot féminin. On dit aussi pour le rythme, alors Luskeladur, hein, le rythme, la rythmicité, quoi. Voilà. Et pour le... Oui, luskeler, il y a plusieurs façons de le dire. Bon, pour le bercement. Et alors, pour terminer, on parlait d'une berceuse, hein, c'est une chanson pour bercer. Alors en breton, on disait simplement « Grand Owen de Luskelana ». Voilà, une chanson pour bercer, quoi. Comme Tutuik, hein. Toutouik, la la la la, la plus connue, hein. Toutouik,

Med war an isel vel bar Kemperli, eus ob ekol kalz de drog an un dour beuz. Hag un tamp deus kastel pondi eus o kwid un deel, ur vargar deus hastel, a kalz de frej eo evo evit a hadzevel e vargar ze. Ma trezen peus klevet George Belz un deel war wargen ou RKB a RBG, an eus komz de se, an eus isplig mat perek, oa kwid ar vargar. Pis a mod oa vegred magorio ou ban ar hastel diz, a pereg e sans sub deus un dour, pe goe un dour tre emmeñ. Pe ve koze deus un dour, evel just a zonjnin deus pesketeres, pe diant prestidio vo gwell de adari, ar besketerien, neiz eus eus meurs, vo digor de ar pesketeres, hag vo gwell de ur besketerien war ribl un dour, war ribl ur stereo. A gwechel oa ur pesketer bru de tre, zez o kan lasso, met de bonne beveneuse tost gandla, hag oa iwan brenber. Iwan brenber, i fam iwa de spurud, met el oa de chom a de labourad ba rostren, a der arre gandivreg, hôtel Honvers, pe hôtel le Joncourt Gouédard, pe dure Irigoire Gouédard, hag un tise zo en ambrop, pe dure énormément un diad le Gwen, war a blas en ar, pe ve un enherud ba rostren. Hag iwan a brenber, oa un den an eus gret kalz drog, donc de gond totar tout pez neus gret, mais de plusieurs aidants dont de bisquetade ou argoge ou purud à la rue ou à blaves à dreistol ou à boise nero rouge de l'aradé stangelor stérelor de stangelor de mes stères hag you want a brand bear you want a zavedor granowen vide en pesqueterien hag vide boise nero rouge hag l'aré Ur pesketer koz deus e dier ne e ruel war fini amzer. Han aven ma de bar ze hontri dre han o ibon e brenber. Deus kost diant ur noz a laken i jonj ur augmont te vons. Dobor ur imoustad en vi de besketerien. Ur pesketer eus o kondaun eut pe e ru a in bor de ster. De la kadiz onj gant de pesket le skedi du buiou badier. A ma grogen luzen en igei on en penivus ugen, ma e or guir besketer eud le non ni bonheur. Setu, gant aouen zo pell hir avise, met komz ora juzma deus plijad ur besketerien. Hag or gant aouen ekolog le, ora pesa mod diwal deus ur gwaaz ou a tout, a plijustre ur gant aouen zo. Bon, evel just or rog... Rog vo digor d'ar besketer ez vo zer d'ar chasse. Hag me kalz chassour, yon zo ive pesketer, yon a dis le plijad ur grant epa de blanc. Pe gomz an de chasse, neus ket gwall belzo, oa ba vo gour kampionat bro Europa, vi de chas de chasse al. Hag ur maout ba rostren, ur maout zoet gant o hi deus rostren, petam an o hi ez o donden deus rostren, hag zo haunet a hinso de zo oen pointer hag zo haunet gwellar ne ke fal vi haun ar hi gwellar hag edi ar maug gantan edi ar maug an hi hag hiz perra de hiz zo de louis quad et louis quad melek bon vegenant zo blicht din komz dar de ze gist pe dur gist bon zo nevage matri hag zo bet gwegel Or sordé vache broade les vides de vretonne d'un. Ne oa que gwegel na guil na bir war un dole, mais giste. A kaz gant a ouen ouz o begret, war giste, evel ev giste alo, ev giste alo, chag giste somat, non la, ev giste alo, chag giste somat. A hendel zo or gant a ouen oaz ar ouen avalo, a zo bezavet gant ar faktor deus gronvel war hang de koli ki hang, hag el are, Ur giste zo lik ur apive eve pur, ur an erst ur peiz an da kalz blijadur. Bon, ur gant oen hir e, hag bon plijustre, hag an ton brav, war e giste. Mais tant ma tante bénéfice d'orgis ou abédile ze bavro, goyal ou cas de ze goyal ou zobédiscar, a gavrotonne de neus non lac de evan guin pe bir pe mi ou armi pétard, hein. Aya, Alice pe vigène d'une roi boule ou vigè even rouge lim, bah bistro, hein. Rouge lim, guin rue à limonade. Bonne, mais vélo chance zobid de, Zavet kaz tir campus bavro, hag ban tir campus eve e chombe der hiz da evangist. A set ut an matamp ve gwell, rad gwell der gist, war an tolio, hag bon an amant, bon, babla dao viltrizek, en eus kresk de ur gist de swer dregan, brovran ze bez. Bez so mad, hein. Hag gist zo gret gant stalio braz vel loi grezon, mais il fait qu'on artisan d'un wardro wer quand zo brovran ze bis à cause de ces au evel juste brace à gebro normandie de ce que quoi le belzo vi chombre d'ache de la bordeaux bah saint nicolas ou lead de hunter convla huma kuma du pelem de la redi tu dans le lac de non lac de sembles et ville labourin d'un dour crouet wabid ur huma ze gant Jean Kerry, ba bla tri a triugen, hag krog oan trog gant prena an traktor, hag binjou de heu. Hag hantar kant la waler zo bopet seiz ezel ba huma ze. Ma evel jus o mur zo ar evel jus vid de houlse. Vejenom ze regont tandar deus bouet de vro hag da skouir deus pâte e gret gant stal enaf, e galak vigelard, hein, enaf le pâte du mataf, a bromen vo kas de pâte enaf pe bouet bo pot gret gant enaf de gant de gos monotet, ma trezen peus gwelze, a gansé vo pel ba pel deus ur bed am, vo kas de bouet enaf gant de gos monotet. A zez on tol bruder eus mord evel just, vid enaf. Bon warda chenor politike rez tost a ramp deus votadegou vid e parouzio, hag gwalvezi war gazeteno, hein, bemdi ve etud listeno, hein, parouzio zo nevek medo listen, l'er hel zo diou peter, vas, diou peder, med amme drevraz ve ka vetud war a rang me mestra. Chombe de er spere de un demokratel, un grand un dud, hag kal se dud zo non zougen evit mont de war a rank. Med vid de barouj ou bien vel purut tre mal gad pezan e goud an am, ma trezen vo vej diouzan, ma ve di gemeret gant a vote de lezen, un dant ve lezen zo kiniget gant kevriligus Meriou Brovrans, un AMF, un Association des Maires de France, an eus gret un dant ve lezen evit de l'aca de sembles au nœud de parouge au vidoronan. Hag, bon, comme je vais de zor parouge au gant pe mil den, hein, pe dix, zir a fait parouge au bras tre, hein, les dents, ou elle vaut pe sa mot de vos con. Bon, peut vidor, vejement, bon, peut ne chancho que d'un trois, ou à vos mire de mames parouge au. Ne vaisseau, pe ve comme je de, il m'en entend, moi, d'ach en zévinadio, zo strolat BCD zo Bretagne diversité Bretagne culture diversité un eus gred au sondage evit goud a gen war e ba pe sa stad oa zivena dur breiz mes ke vrotonet a zo goul le trao fentus gant lendu da skouer zo goul le gant gant e ma war ang pet oa or binyou a zo pemzeg a perug un dregant de zendu da war petra e or binyou. Mais me mestras ont breiz en mes au pem dragon de un dû dans le warant que peter et orbignou pe ce souhait juste me sera à d'asquer triugen dragon de war peter et or fesse des mais il y aura d'augen dragon dans le warant que peter et bon ag sondage se vaugré de bip tripe verbe de vel d'anguin à un trois warog pe tant mon machon mon même smout à quoi un dragon de un dû de gomes braison de pe ce n'est que calce bénéfine. Mais me strans et azis que n'est que bête de ben jacobine de beurs istruge en brésanlec. Bon, De war nugen de ze vretonne, de war o nebet gerioù de ze brezhoneg. Ze ve gwell da liz gant e pen ou braz, pe ve gred o brezeg en gantai, en kap te lard, blavez mat, ken avo, pe yer a mat. Me benefin, ne war an ket na bu na ba, ve la fe, Jean-Pierre Guyad, ar vechen amzant. Bon vision war dach en ze venadur, prestig vo hat krog e mamez un pelar in mat, kan ur bobl, pe dur zo bet em vod ou on tam me pebler deja, hag ba fin miz ebel vo echuet ba pondi, evel bepla. Blan me vzio war ne vo ke gred ne mand, be ba hastel, pe dur, donc moyen d'un ba hastel zio war, me ba pondi vo gred bo pet. Hag rog evel juz vo bet un em vod ba mel karez evit ur vroman. Hag aze vo gwell kaz gonterien a bugal e a kanerien a zonerien hag vo gwell dat pegen bew e c'hoaz zevena dur ur vro. Bon, kaz draou vef e bet de lar a droaz, me matrezen e aet pointin e chu e gaze a setu lar an dar kenar vegel chilo erien er kabe. Kenar vegel eri.